Pluie intense, crue, inondation, ayons les bons réflexes. Élise Lapérouza, bonjour. Vous êtes chef de bureau au service des risques naturels et hydrauliques du ministère de la Transition écologique. Quelles sont les conséquences des pluies intenses, des crues et des inondations en France ? Tout d'abord, les inondations tuent. En effet, sur le seul arc méditerranéen, une quarantaine d'inondations majeures durant ces 10 dernières années ont causé la mort de plus de 150 personnes. Cette région est susceptible de connaître des pluies violentes et soudaines qui peuvent générer des crues rapides et dévastatrices, d'où l'importance d'adopter les bons réflexes. En France, nous avons un régime spécifique assurantiel qui a été mis en place pour faire face aux dommages matériels qui peuvent être engendrés par les catastrophes naturelles comme les inondations. Il s'agit du régime CatNat qui permet d'indemniser les propriétaires sinistrés. Ce régime, qui n'a aucun autre équivalent dans le monde, repose sur la solidarité nationale. Pourquoi l'arc méditerranéen est-il particulièrement concerné ? La proximité de la mer Méditerranée et de reliefs comme les Cévennes ou les Alpes sont propices à la formation d'événements météorologiques de forte ampleur, pouvant engendrer des crues rapides et dévastatrices. Mais attention, le reste de la France n'est pas épargné. Rappelons-nous qu'un Français sur quatre est exposé au risque d'inondation. Et comment se renseigner sur les bonnes conduites ? Les informations sur les réflexes peuvent être consultées et téléchargées sur le site pluie-inondation.gouv.fr. Vous pouvez également trouver des renseignements sur les risques près de chez vous en consultant le site Géorisque. En cas de pluie intense, crue, inondation, ayons les bons réflexes. Plus d'infos sur pluie-inondation.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.